Cette voiture quitte un parking et aborde une rue où elle devra céder le passage aux usagers qui y circulent avant de s'y insérer à son tour. Mais elle doit aussi céder le passage aux piétons qui marchent sur le trottoir et aux éventuels deux roues qui circuleraient sur la piste cyclable. Souvenez-vous que les enfants de moins de 8 ans peuvent aussi circuler à vélo sur les trottoirs. Dans ce cas, le piéton passe le premier. Réponse A.